Pourtant ma vie ne me plaît pas. Besoin de vous. Je suis pas sûr d'avoir un destin. Je conduis sans les mains. Peut-être que tu m'as rendu fou. Besoin de tout. Notre fantôme et l'opéra, tous mes copains qui rient. Pourtant ma vie ne me plaît pas, besoin de vous. J'aurai sûrement une récompense, j'ai tant espéré de nous. Que ça me fait mal quand j'y pense, besoin de vous.